maintenant. Je suis tombé nez à nez sur un martien pas méchant qui a voulu m'enlever. Je ne me fais pas de bile, je suis mûr pour l'asile. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. En retournant sur mes pas, j'ai croisé à l'orée des bois une fée qui me demanda de l'accompagner tout là-bas. Je ne me fais pas de bile, je suis un peu débile. Arrivé au bout de l'allée, je me retourne et je vois un indien en train de raser et qui se propose de me scalper. Je ne me fais pas de bile, je suis mûr pour l'asile. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Les deux pieds dans l'eau, je tente de traverser, mais un sous-marin nucléaire me demande de faire machine arrière. Je ne me fais pas de bile, je suis un peu débile. Faudrait jamais passer la porte, dehors ils ne sont pas comme moi. Je ne me fais pas de bile, je suis mûr pour l'asile. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas. Aujourd'hui j'aurais pas dû sortir, aujourd'hui je ne sentais pas.